Allez, un petit retour sur les musiques bruyantes et agitées en compagnie du webzine Korenko qui, comme à chaque fois, délivre chaque semaine en tout cas son flux d'infos. Oui. Voilà. Et son flux de disques chroniqués aussi. On est parti pour le Bétis Fest qui est en pleine crise d'adolescence puisque le festival a fêté ses 15 ans. Et l'organisation balance une programmation qui part un petit peu dans tous les sens, mais qui a envie de faire plaisir. Écoutez un peu, ça va se dérouler le vendredi 7 et samedi 8 avril prochain. Voilà, au Palais des Grottes à Cambrai. Cambrai, c'est pas loin d'ici, c'est dans le 59. Le Bétis Fest, avec pour le vendredi, Sicko Vitol, Tagada Jones, No One Is Innocent, Les Rats, Existence Saine et les Ramines. Pas les Ramones, hein, les Ramines. Et puis poursuivre le samedi 8 avril avec Arch Enemy, The Haunted, Lot Blast, Betraying Mortars, Smash It Combo, It Beaster et ou encore Sat Fran. Voilà un peu pour les gens qui vont participer au Bétis Fest, un peu pour tout le monde, pour faire plaisir. Une belle affiche quand même. Belle affiche, hein, sympa, ouais. Sympa. Si, si. Allez, on est parti dans le reste des news avec un Norma Jean qui balance un nouveau clip pour le morceau. 1 million de watts. 1 million watts. Watts. Voilà. Fit for an Autopsy, j'adore le nom. J'adore le nom de ce groupe. Rien que pour ça, c'est pour ça que je le mentionne. Évidemment, la musique n'a que peu d'intérêt pour ce groupe, c'est bien vrai. C'est juste pour le nom. Mais le nom est sympa. Donc, l'album s'appelle The Great Collapse. Et puis, il y a déjà un titre qui a été clippé qui s'appelle Mammoth pour Fit for an Autopsy. On poursuit avec Oxbow qui revient aussi. Mm-hmm. Cold and Well Lit Place. C'est du Oxbow pur jus, voilà. Il n'y a pas de rien de neuf finalement sous le soleil. Deuxième album pour le label Heavy Psych Sounds. C'est un label italien. On en a déjà parlé ici. Ouais. Des choses toujours intéressantes chez eux. Ça appartient. Le label fait tourner des groupes, pas forcément des groupes qui leur appartiennent, c'est là où je veux en venir, mais il fait tourner des groupes notamment en Europe, et donc l'affiche de cet album, de cette compilation, est riche forcément. Ouais. Hein ? Alors on retrouve notamment sur cet opus Black Rainbows, Cachemira, Dr Cyclope, Farflung, on en a parlé ici évidemment, tout à fait. Killer Boogie, Mothership, Nick Oliveri. Rien que ça. Ça va. Et, ou encore de Sonic Down. On poursuit encore dans les news avec Dead Cross. Dead Cross, c'est un nouveau projet qui réunit Mike Patton de Face No More, évidemment, et Dave Lombardo, ex-Slayer, avec des membres de Locust. Ça promet d'être ça très... Ça peut être pas mal. D'être très, très solide. Je pense que la sortie va faire beaucoup de bruit, évidemment. Danzig qui prépare un nouvel album. L'album... est plutôt bien avancé puisque ça devrait sortir aux États-Unis fin mai et début des vacances pour nous. C'est un nouvel album après 7 ans d'abstinence pour Glenn Danzig qui n'a pas raccroché les gants finalement. On poursuit encore et toujours avec Fates Warning qui s'apprête à sortir le 28 avril un album qui s'appelle Awaken the Guardian. C'est un album live qui retrace un petit peu tout, dont leur tournée de 2016, voilà, ça va sortir en double CD et en DVD, rien que ça. Et puis dans les petites news du moment, Mastodon aussi qui revient avec un clip qui est bien foutu, pour Show Yourself, et on a plus ou moins fait le tour, c'est plutôt calme ces temps-ci, hein, finalement, ouais. Bon... Allez, l'album retenu par la rédac, il faut aller lire la chronique parce qu'elle est bien foutue. C'est Toucan qui a fait ça, qui s'amusait avec des gifs et tout ça. Enfin, vous allez voir, un grand enfant finalement. L'album sort chez Nuclear Blast. Les vétérans de Creator qui sont de retour en 2017 avec un album qui s'appelle Gods of Violence. C'est du trash pur jus, c'est plus ou moins ce que Metallica n'est plus capable de faire. Mais eux, ça fait longtemps. Et eux, ils sont aussi vieux que Metallica, mais ils font toujours bien. Donc voilà, Creator, Gods of Violence, probablement dans le registre un petit peu ancien comme ça. Un des albums 2017, d'ores et déjà. Si, si, rien que ça. Le Centre Marius Taquet propose le 24e Reflet Mondial de la Photographie du 19 mars au 2 avril 2017. Moucron accueille à cette occasion plus de 2500 clichés issus du monde entier. Toutes ces photographies seront soumises à un jury qui sélectionnera les meilleures pour constituer une exposition présentée au public. 600 photographes, dont les membres du Photoclub Artec, participent à cet événement exceptionnel. L'expo convie la photographe belge Carole Deschuimer, photographe de la faune africaine, en invitée d'honneur. Renseignements auprès du Centre culturel Marius Taquet par téléphone au 056 860 160. 056 860 160. Vernissage le 18 mars 2017 à 16h, auditorium André de Meyer au Staquet. Tous les canards vont à la mare. Et c'est bien fait pour vous. RQC. This. Groovy baby, groovy baby. Énorme. Énorme. Oh. Ouais, j'avais envie d'un petit peu... La petite rose un ici. Petit classique. Ah mais attends, mais tu fais vraiment très très très bien. Un bon petit classique de chez Vrai Classique, quoi. Faut vraiment le présenter. Allez. Rose Royce. Ouais. Car Wash. Incroyable. Incroyable. Quel morceau et quel album. Un groove, enfin tout d'enfer, quoi. C'est absolument ça. Tout d'enfer. 1976. C'est vrai. Ben oui. Eh ben écoute, c'est pas mal. Hein. Quand même. Bon, bien. On poursuit avec la belle Roqueril. Oui. Ouais, voilà. Je cherchais un peu mes moutons. Tu les as retrouvés ? Ouais, on va dire ça comme ça. Et vous devez savoir qu'on fait plein de choses ici. Hein. Ouais, donc, on a plein de tests et tout. On a plein de tests, on fait des tests son, des tests électriques, des tests micro et tout. Et donc je te propose, parce que les morceaux sont relativement courts, oui. Je te propose une double dose. Carrément. Ouais, une double dose de chez Roqueril Records, oui. Qui ont le chic pour aller chercher quand même du rock'n'roll garage. J'ai presque envie de dire à l'ancienne, mais avec eux, ça devient une vraie marque de fabrique. C'est sûr. Et c'est tellement actuel que c'est pas trop à l'ancienne. On va se plonger sur les deux dernières sorties en date. Un album qui s'appelle Wear All Pink Inside. Et c'est Sect Tape, évidemment. Ouais. Jeu de mots avec Sect et puis Tape, voilà. Sext Tape. Et ça sera enchaîné, suivi avec Josette Pony and the Ponymen. Bah oui. Avec un nouvel opus qui s'appelle Hippodrone Club. Formidable. C'est formidable. C'est formidable. Alors, en un Sex Steps, on va écouter Ugly Babies. Ouais. Et ça sera enchaîné avec du Ponymen et la partie. On va faire la fête, quoi. Ok. Hein okay. Bah, c'est chaque fois du 2,50, hein, donc forcément, ça va très très vite. Et c'est bien sûr plein d'excellentes initiatives et d'excellentes humeurs. Voilà, que du bonheur, que du plaisir finalement. Allez, Sex Steps, Ugly Babies, extrait de We Are All Pink Inside, j'y arrive, et de Pony, Josette Pony and the Ponymen, extrait de Hippodrone Club. On va écouter la partie, tout ça chez Roqueril. C'est parti pour 5 bonnes minutes de plaisir. Gotcha. One line. One line. The paper. The sound. Books on the radio. Allez, Books on the radio. Avec